yeux d'un homme parlent comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se l'avouer. Jamais n'abandonne. Si doux, si difficile à oublier. Elles vous construiront des merveilles. Elles vous montreront les étoiles. Mais si on leur fait trop de reproches, elles iront bien caché pour qu'on ne puisse jamais le lui voler. Que dans ses yeux qui font rêver, que dans cette main qui se donne. Simplement si bien à ses côtés. Oh, ce n'est pourtant pas si compliqué.